1, 2, ça a déjà commencé là. C'est parti pour l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc on est tous ensemble avec Fatima et Fred pour parler aujourd'hui de vivre sans payer, aussi large que ça. Plus précisément, vivre à travers la musique. La musique, c'est la vie. Et donc on va parler de musique aujourd'hui. Et pour ça, on reçoit Jean-Christophe, qui est maître de conférence à l'Université d'Avignon, qui va nous parler notamment de son expérience et de ses recherches sur les sound systems et les free parties. Sound system, donc on va commencer par s'écouter un petit morceau de dub du groupe Kilimanjaro. C'est parti! Thank you. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Kilimanjaro. Africa. Et c'est reparti dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Alors nous sommes tous ensemble avec Fatima et Fred et moi-même et Jean-Christophe Sévin. Jean-Christophe, est-ce que tu nous entends bien ? Tout à fait, je vous entends très bien. Super. Donc on va parler avec toi de... avec toi de musique aujourd'hui. Ok. Et si ça te dérange pas, je voudrais aborder direct le sujet avec une citation. Ouais. De ce qui était, enfin tu vois, de ce qui était écrit sur les murs du conservatoire de musique, je crois, en mai 68. Et j'ai trouvé vraiment sympa. Alors j'y vais. Nous voulons une musique sauvage et éphémère. Nous proposons une régénération fondamentale. Deux points. Grève des concerts. Ah, deux secondes. Ouais. Grève des concerts. Des meetings sonores. Séances d'investigation collective. Suppression du droit d'auteur. Les structures sonores appartiennent à chacun. Voilà. Alors, je voulais introduire ça. Je voulais introduire par cette citation parce que... Donc, ce qui pourrait être intéressant aujourd'hui, c'est peut-être d'aborder la question du rapport à la musique, à la fois en tant que, je dirais, le rapport à l'outil, le média qui sert de transmission musicale, comment on peut se l'approprier, les différentes formes, dans quelle mesure ça peut être plus ou moins convivial, simple, horizontal. Aussi le rapport à la façon dont la musique va circuler entre nous. Et dernier point, aussi comment on pense la musique, comment les musiciens et éventuellement le public aussi, ou s'il n'y a pas de distinction entre les deux. Donc comment on va penser la musique, quelle dimension politique de la musique aussi et les effets politiques, voilà, de la musique. Donc, Jean-Christophe, je t'ai présenté tout à l'heure en introduction, mais donc tu es maître de conférence à l'Université d'Avignon. Oui. Et ton champ de recherche, c'est actuellement les sound systems. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux commencer à nous... Alors oui, je disais aussi tout à l'heure, tu as aussi travaillé, notamment dans ton travail de thèse, sur les free parties. Ouais. Et donc ça va être intéressant de croiser les deux, peut-être. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste aujourd'hui ton travail de recherche, pour introduire un peu, aussi présenter le sound system. Je pense qu'il y a des... J'ai remarqué qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Non, parce que c'est un mot un peu piégeux, parce que Enfin, il y a plusieurs, comme souvent, en tout cas dans la musique, on a l'impression qu'on parle de la même chose, mais on ne met pas forcément les mêmes mots les mêmes choses sous le même mot employé. Donc, ce qui fait qu'on est souvent dans beaucoup de confusion, et notamment typiquement pour Sound System. Je me pose pas en tant que gardien d'une vérité suprême et hors sol, hein, donc oui. c'est on fait des sciences sociales, donc on étudie justement la façon dont les phénomènes et les notions sont un enjeu de lutte aussi, de définition, si on Bien est sûr. Plutôt bourdieusien ou aussi plutôt pragmatique, on étudie comment il y a débat sur ces notions-là. Alors typiquement sur le système. Moi je suis de Marseille, donc typiquement il y a un groupe qui s'appelle Massilia Sound System. En effet. C'est pas vraiment un sound system, entendu, si on l'entend selon la définition un peu orthodoxe dérivée de la diaspora caribéenne, c'est pas vraiment un sound system. Même si c'est un collectif qui a été un des premiers à chanter, à toaster, c'est-à-dire à improviser sur des disques, des supports enregistrés en français, dans une volonté de parler à son quartier, en parlant en patois local, notamment en occitan. Et de ce point de vue-là, c'est assez proche de la démarche jamaïcaine, qui est de parler en patois jamaïcain et de faire des annonces sur des disques et de parler. Donc c'est assez proche, mais c'était plutôt incompris des Parisiens, j'espère que je ne suis pas trop embrouillé, que je vous embrouille pas trop. Non, à l'époque, plutôt incompris de la scène parisienne, qui elle avait plutôt un modèle londonien, caribéen, donc c'est plutôt des Antillais, black, et donc il y avait une incompréhension. Donc c'est toujours un objet, on a l'impression qu'il y a une simplicité d'appréhension parce que c'est des musiques populaires, mais en fait tout ça est extrêmement compliqué, embrouillé. Donc typiquement Sound System, si on entend, pour revenir sur cette histoire, si on entend Sound System au sens on prend le micro et on improvise, on tchatche, on rappe sur de la musique enregistrée, c'est une définition, c'est une démarche. D'ailleurs, une grande partie du rap français, en tout cas une partie du rap français vient plutôt du sound system entendu comme ça. Ah oui. La première compilation Rap Attitude de 1990, ça c'est Ricky Sci-Fi qui en parle souvent. Sur cette compilation Rap Attitude, qui est une sorte de marque, de landmark, de point de référence d'émergence du rap en France, la moitié, ou peut-être la plus de la moitié des artistes présents sont des gens qui font plutôt du reggae, en fait. Tonton David, Sci-Fi, etc., viennent du sound system, en fait, entendu comme voilà cette prise de parole, la fait de tchatcher sur le micro. Voilà, ça c'est une première acception de sound system. Pour aller vite, il y en a plusieurs, hein, mais la deuxième acception, la plus, en tout cas celle qui est beaucoup qui est reprise maintenant par les jeunes français, c'est le fait, dans la tradition caribéenne, c'est le fait de construire soi-même. Homemade, de construire soi-même ses caissons, notamment le scoop, parce que c'est la caractéristique du reggae, c'est des grosses basses, des grosses enceintes basses. Ouais. Construire soi-même ses caissons, si on est vraiment puriste, avoir un préampli, c'est-à-dire ce qui fait office de table de mixage, en fait, c'est le préamp qui intervient sur les fréquences. C'est aussi souvent homemade. Donc ça, c'est plutôt la tradition sound system jamaïcaine qui a été diffusée par les Anglais, les Caribéens anglais, qui a mis longtemps qui n'était pas comprise, hein, qui a mis longtemps à être comprise en France, parce qu'on n'avait pas du tout cette culture sonore et cette compétence, parce que c'est vraiment une compétence super. C'est une compétence technico-esthétique très très élaborée, construire des enceintes, construire des matériels électroniques, faire que toute cette chaîne non standardisée se fonctionne bien. C'est comme un instrument, hein, vraiment un sound system construit de façon artisanale. Il ne va jamais sonner pareil qu'une autre sono. Enfin, chaque sono va sonner différemment. C'est vraiment un instrument. Donc ça, c'est une autre acception du sound system. Alors, après, il y a l'acception plus trash. Oui, pour revenir sur ta question du départ, il y a la question plus trash, plus punk, plus extrême gauchiste, radicale, qui est celle de la techno, qui met ça, tout ça de côté, qui va plutôt acheter des. Maintenant, il y a quelques technos qui construisent leurs caissons, mais qui va plutôt acheter des, prendre des choses du commerce et qui est plutôt dans une optique de d'investir un site de façon illégale et donc de façon rapide et donc pas trop privilégier un matériel parce qu'il est sujet à saisie, voire à destruction, quoi. D'accord, ouais, donc on va privilégier quelque chose de simple qui fait beaucoup de bruit et ouais, et c'est pas, et même musicalement de toute façon c'est pas pareil, donc c'est plus percussif, donc ce sera pas les mêmes box, ce sera pas les mêmes enceintes. Mmh. Donc deux rapports. Alors ça questionne quand même d'où vient cette est-ce que c'était lié tout simplement à des facteurs économiques ou il y a vraiment une volonté de se réapproprier le son de A à Z en Amérique? Dans le cadre des sound systems, est-ce qu'il y a vraiment ou c'était plutôt lié au fait que bon bah on n'avait pas beaucoup de sous donc on se débrouillait avec les moyens du bord. Je sais pas, je te pose la question. Bah en fait c'est les deux, hein, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en Jamaïque, ils se mettent à construire des amplis parce que de toute façon ils n'ont pas accès à du matos. Des types commencent à construire des enceintes, etc. Donc ils construisent leur matos et ils ont cette approche très africaine du son, c'est-à-dire sur les basses. Donc ils sont pas du tout dans les clous de quelqu'un qui a une formation un type ingénieur du son en France. Maintenant ça a changé, mais ils ont cette approche très centrée sur les basses. Donc ils construisent leur propre instrument pour ça. Et souvent on parle de King Tubby, tout ça. Ces gens-là sont connus notamment en France parce que c'est pour leur production, mais c'est des gens qui ont des sound systems, parce qu'en fait le sound system c'est aussi un modèle économique, c'est un moyen de gagner de l'argent. Ils font pas d'argent beaucoup avec les disques, en fait ils font des soirées, donc ils font des sound systems où ils vendent de l'alcool, les gens viennent, et il y a des, d'ailleurs il y a cette culture là. Excuse-moi, donc tu poses la question par rapport à ça, oui, donc il y a un aspect économique. Et je suis pas. Il y a des gens très. Il y a des spécialistes de ça. Il y a vraiment des très très bons livres là-dessus maintenant. J'ai pas tout en tête, mais Ray Hitchens, par exemple, Merchant Vibe, qui a écrit ça. Il y a aussi un aspect esthétique. Il y a aussi un son. C'est le son, c'est-à-dire que oui, avec vraiment l'importance des basses, c'est-à-dire que si tu veux, l'équipement standard ne convient la plupart du temps pas pour eux parce que je sais pas si vraiment il faut que c'est toujours la phrase de Bob Marley qui est citée, one good thing about music, c'est when it hits you, you feel no pain. Il faut que la musique te frappe, quoi. Il faut que la basse te rentre dans le beat, te transperce. Mm-hmm. Il y a vraiment ce rapport des Caribéens à la basse. Qui est assez, assez avant-gardiste, on va dire. Aujourd'hui, enfin, je trouve dans la musique qu'on entend, ils ont inspiré tout le continuum de la basse musique moderne, en fait. D'accord. Oui, tout à fait. Il y a une tendance à la blanchisation, on parle toujours de... Mais effectivement, ça inspire toutes les musiques modernes. C'est pour ça que c'est séminal, comme diraient les critiques de disques. Mais oui, il y a ce rapport à la fois économique et esthétique. Et en Angleterre, typiquement, ils se remettent... à faire ça parce qu'il y a il y a aussi une question de technique, de savoir et de pouvoir. Il y a un film très intéressant en ce moment qui passe sur Tank jusqu'à fin janvier. Si on s'abonne juste pour un mois, ça coûte 1€, donc c'est pas mal, ça vaut le coup. Et il y a ce film de Franco Rosso de 1980 qui s'appelle Babylone. Franco Rosso, c'est un Italien qui a grandi à Londres et qui fait une sorte de fiction documentaire sur la vie d'un sound system avec Jah Chacka dans son propre rôle, qui est le pionnier du sound system anglais, hein, qui est sujet justement à ces attaques souvent racistes parce que bon, ils mettent du son et ça transperce les murs et ça dérange, mais Jah Chacka, et il y a le chanteur d'Aswad qui joue le rôle d'un sound system concurrent. C'est assez intéressant, on voit vraiment Et dans ce que tu dis, parce que aussi ça me fait penser dans les free parties, c'est pareil, il me semble que c'est un peu pareil dans le sens où les basses sont très fortes. Est-ce qu'il y a une filiation entre les deux ou là pour le coup c'est plutôt deux évolutions indépendantes de rapport à l'outil un peu, enfin aux médias qui ont évolué indépendamment? Je dirais les deux parce qu'en fait les sound systems anglais ceux qui introduisent le sound system techno en France, c'est une autre filiation encore que la histoire des clubs, Ibiza, tout ça, c'est une autre filiation. Mais c'est les sound systems techno, en fait, reprennent ce modèle-là sur des Anglais, type Spiral Tribe, toujours cité, Bedlam, oui, et Spiral Tribe. Et eux, ils viennent ils reprennent ce modèle-là des Jamaïcains. Le sound system étant une façon de faire, une invention caribéenne qui se développe en Angleterre et donc qui inspire tout un ensemble de musique, la techno en fait reprend l'idée du sound system sur les Jamaïcains. C'est pas un hasard que par exemple les deux là, Simon et Crystal Distortion et 69, il y a 69 dB, leur duo c'est Dub Technique. Il y a plein d'indices comme ça, eux ils connaissent très bien cette histoire-là, mais il est vrai qu'en France, cette histoire ne s'est pas transmise. C'est assez étonnant et alors peut-être maintenant ça a changé, mais un grand nombre d'acteurs des techno free party n'ont pas vraiment le lien, ou à part lointainement en disant comme Pierre-Henri a fait de la musique électronique il y a 50 ans et c'est de l'électronique, tu vois. Ouais. On connaît vaguement, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, on comprend pas trop la filiation. D'accord. Même si ça devient autre chose, hein, la techno, effectivement, c'est pas le même type de musique, c'est pas le même type de caisson, c'est pas le même type. Mais quand même, il y a vraiment une historiquement et même dans la façon de faire une grande proximité. Ouais. Alors, Jean-Christophe, du coup, tu as proposé quelques morceaux. On va écouter là International Broadcaster. Et okay. Peut-être tu pourras nous dire un petit mot sur ce morceau juste après. Ouais. Allez, donc c'est parti, on écoute ça. Ooh, guess who's coming to dinner? Hello. This is your Radiohead master and your Radiohead controller. Master of reggae. DJ Lee, Radio International Broadcaster. DJ, DJ. Pick it up, pick it up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, don't look back. Throw your trouble overboard and don't look back. DJ Lee, DJ Scratch, DJ Perry, pick a cherry, pick a cherry, pick a cherry, and just ignore me. Necessary now, bitter like Cersei, sweet like strawberry now. Blessed with bless from the mountain top. The cut less, not the figure, cut the crap. Well, I think, love it, and the work don't stop. Run the ting, rip into the very last trap. Who could it be? And I must run over MC. Alongside the money, call East Scratch Perry. Nice at the function, dancing party. Clean girls don't stop, beg for we. Because we flex with X amount of decency. But they can't see we too frequently. Because we move to a different type of frequency. So we neat and we sweet and they just can't defeat me. Just can't deplete me, no fun for deep me. People all over them I run come to greet me. Check him out, check him out. Check him out, check him out. Check him in, check him in. Check him in, check him in. Scratch on the DJ watch. Station on the ground reporting. Station overground. Station overtone. World sounds do the reggae clap. Do the reggae clap. Et c'est reparti dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Aujourd'hui, on parle des sound systems avec Jean-Christophe Sévin, maître de conférence à l'Université d'Avignon. On est avec Fred et Fatima. Fatima qui nous parlera aussi peut-être de musique traditionnelle marocaine. Voilà, pour qu'on ait un éventail large de la musique en général. Jean-Christophe, tu es là ? Oui, je suis là. Bon, ok. Donc, on était en train de parler... Déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire sur le morceau qu'on vient d'entendre ? Est-ce que... Ouais, bah, tout à fait. Bah, c'est intéressant, ce morceau, je trouve, parce qu'il est... justement, il exprime l'influence de ce dont on a parlé. Le producteur décédé il n'y a pas si longtemps, mythique, Lipéry, qui a été très important, notamment pour Bob Marley, mais aussi qui a été un grand innovateur, expérimentateur dans les années 70 avec dans son mythique studio Black Ark à Kingston, et qui ensuite a fait une carrière prolifique, et il a fini, il habitait en Suisse, il était aussi à moitié, c'était un artiste aussi, il a fait des compositions plastiques, il était un peu... il était assez fantasque mais très créatif aussi, et ce morceau en fait est sorti sur le label On You Sound de Adrian Sherwood, qui est un personnage intéressant parce que c'est un des grands producteurs anglais, donc qui monte cette filiation Angleterre Jamaïque-Angleterre, On You Sound. Il a travaillé dans notamment les derniers albums de Lipéry ont été produits par Adrian Sherwood. Et dans ce morceau, il y a un featuring, une apparition de Roots Manuva, qui est un rappeur anglais. Donc il y a une espèce de connexion, d'intrication de plusieurs histoires, plusieurs esthétiques au travers de l'influence de Lipéry. Parce que bon, il y a toujours ce débat. Moi, je suis pareil, en tant que pratiquant des sciences sociales, ça m'intéresse pas de me positionner comme celui qui a la vérité, mais il y a tout ce débat pour savoir est-ce que le rap dérive d'une tradition jamaïcaine du toast et donc du sound system, sachant que oui. Tout le truc de Brooklyn et tout, les premiers sont jamaïcains, ou est-ce que c'est une invention qui a plutôt des racines africaines-américaines, des États-Unis, etc. Mais il y a aussi cette influence des pratiques jamaïcaines du son sur la musique africaine-américaine des États-Unis. Oui, d'accord. Et alors, au niveau de la dimension, alors je dirais pas politique, mais la façon dont on pourrait le dire, hein, parce que le rap a quand même, il me semble, une dimension politique assez marquée. Est-ce que là, tu vois une différence entre ces différents courants musicaux ? Alors la question est un peu large, hein, excuse-moi, mais quel serait, selon toi, le fait saillant, on va dire ? Est-ce que c'est lié aussi à la façon dont tu penses qu'on peut trouver une connexion avec la façon dont la musique va circuler ? Je pense là notamment au free party en particulier. Bah, la dimension politique, elle est évidente dans ce qu'on a appelé le reggae roots, le roots, qui est une musique liée au mouvement Rastafari, qui est une musique qui allie spiritualité et esprit révolutionnaire, donc qui a eu du mal à être compris par une partie de la gauche française, qu'on a vu que ça comme une sorte de secte. Oui, je tiens ça de Joe Corbeau, qui est un des pionniers du reggae en français, Georges Ouanessian, qui me racontait que lui, il vient plutôt d'une tradition gauchiste, qui faisait du rock, dans cet esprit situationniste, très extrême gauche, et quand il a commencé à vouloir faire du reggae, on lui a dit, mais mon truc, c'est quoi ? C'est une secte, quoi ? C'est quoi ce truc de Dja, de Dieu, de la spiritualité colle mal avec le, on a été très, c'est l'esprit français post-révolutionnaire, on voit toujours ça avec un œil un peu suspicieux. Peut-être une dimension de la musique populaire aussi qui peut être effectivement en France un petit peu, on va dire, mise à l'écart. Je pense notamment à l'influence du de la, enfin de l'évangélisme sur le, alors, enfin je crois que c'est l'évangélisme, hein, mais sur le rock par exemple, et qui est relativement mal mal vu, on va dire. Oui, oui. Pour faire simple. Enfin, là, le fait est que c'est surtout un message, c'est une réappropriation de, d'une, c'est une lecture de la Bible dans son côté sur l'Apocalypse, et donc c'est une relecture aussi de l'histoire par la diaspora noire. Donc il y a cet esprit-là, quoi. Il y a cet esprit à la fois révolutionnaire, type Stand Up for Your Right, et Jalive, quoi. C'est Bob Marley, il y a les deux, hein. C'est intéressant, Bob Marley, parce qu'il a les deux. Et donc, il y a une dimension politique là-dedans. Et après, si on décortique les morceaux de cette époque-là aussi, c'est très proche de ce que racontent les gens qui font du gangsta rap ou du rap en France. C'est-à-dire, de toute façon, on est pauvre, alors on deal de l'herbe, on l'empaquette, on le met dans le camion et on va le vendre, etc. Enfin, c'est beaucoup de chansons qui sont liées à ça. Le sufra, bon, c'est on pourrait trouver des liens thématiques avec ce que racontent les rappeurs actuellement. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas... Quand... Ouais, ça me fait quand même penser qu'il y a souvent une dimension aussi qui est liée à des pratiques culturelles. Alors, peut-être que c'est plus marqué dans les sound systems. Enfin, je ne sais pas, intervenir pour un mariage ou des choses comme ça. Comment la musique va s'inscrire, on va dire, dans une pratique sociale, quoi. Ouais. Ah. Oui, oui, oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. En plus, il y a ce côté communautaire, community, en Angleterre notamment, hein, ils racontent tout ça, les pionniers du sound system, ils ont commencé dans les mariages, les anniversaires, ils avaient une salle, et c'est, ça s'oppose pas effectivement après à ce que c'est devenu, quoi. Effectivement, c'est aussi quelque chose de festif, communautaire, et pas purement artistique au sens occidental du terme, peut-être. Ouais. Fatima, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de la dimension peut-être spirituelle et dans quelle pratique ça s'inscrit, la musique marocaine Pour nous, s'inscrit la musique marocaine s'inscrit aussi dans des fêtes, donc dans les mariages, aussi dans les fiançailles. On met aussi de musique traditionnelle histoire d'attirer l'attention, des invités sur l'importance de la musique, aussi l'importance de la coutume et de la tradition. Donc, je vous amène avec moi pour découvrir la musique traditionnelle marocaine, le melhoun. Donc c'est une musique très célèbre au Maroc et qui s'inscrit dans notre patrimoine culturel chérifien. Donc cette musique, elle est née il y a plus de 5 siècles. Le melhoun est une poésie populaire écrite zajel et chantée en arabe dialectal, donc l'arabe maghrébine. Donc cette musique, elle est inspirée à la fois de la culture arabo et à la fois de la culture andalou. Donc, il est chanté en se forme d'arabe, donc on dit kassida, donc avec la langue dialectale maghrébine. A d'abord fait son apparition, donc cette musique a fait son apparition donc, dans le Maroc, et précisément dans le sud du Maroc. Et puis, s'est propagé, s'est installé progressivement dans des villes marocaines telles que Marrakech, Fès, la capitale scientifique du Maroc, Meknès, Salé et Rachidia, et Taroudant. Donc ces villes-là, ils constituent aujourd'hui les pôles incontournables de cet art. La forme de ces poésies se différencie du style arabe, oui, classique. D'abord, à la fois par son écriture en darija dialectal, donc c'est la langue du Maroc, donc le darija, et sa structure grammaticale. Donc, je vous cite alors les pionniers de ce genre de musique. C'est Abdallah al-Marawi et Sid Abdelrahman al-Mujdoub. Bon, bah, ça donne très envie d'en écouter. Ouais. Et ça fait aussi le parallèle avec ce qu'on est en train de dire sur les sound systems. Au départ, c'est quand même des musiques qui s'inscrivent dans des traditions populaires, il me semble, Jean-Christophe, non ? Comment ? Les sound systems, le reggae, ça s'inscrit au départ dans des traditions et ça... Totalement, hein. Ouais. Totalement. Et après, est-ce que justement on ne peut pas observer une forme de rupture quelque part à partir du moment où la musique s'internationalise Est-ce que tu... Une sorte de passage de seuil. De rupture, je sais pas, mais... enfin, bon, là, la différence, peut-être, même si on sent bien, en fait, elle a bien dit que... Il n'y a pas de pureté, c'est à chaque fois une hybridation entre une part andalouse et une part berbère, si je dis des bêtises. Mais le reggae, c'est typiquement aussi pareil, ça peut être vu, notamment dans le route, ça peut être vu comme l'expression d'une authenticité africaine, alors qu'en fait c'est totalement hybride entre d'une part une reprise de rythmique bourrou, donc plutôt rythmique africaine, qui a été retravaillé par des gens comme Tosi, par la tradition Rasta, le Naya Bingi, les tambours Naya Bingi. Mais c'est aussi une pratique de studio, de technologie enregistrée, donc à la pointe de la modernité, et inspirée des musiques rhythm and blues américaines, typiques de la Nouvelle-Orléans, par exemple. Donc c'est dès le départ quelque chose de très hybride, qui revendique des racines et qui est en même temps à la pointe de la modernité, et ça ne s'oppose pas, c'est les deux. Oui, avec et à titre là aussi que ça se diffuse et que c'est objet de malentendus productifs, je dirais, parce que chacun va y voir, soit selon l'un ou les autres aspects, chacun va privilégier l'un des deux. Quoi. Mmh. Donc ouais, c'est quand même, il me semble dans ce que tu dis aussi, on voit que la façon dont la musique va pouvoir être appropriée, éventuellement marchandisée, ça peut aussi un peu modifier le message. Enfin, les deux sont pas complètement indépendants, quoi. Oui. Enfin, je dis le message qui est véhiculé par la musique. Hein. Enfin. Ouais. Mm. Si c'est un message politique. Ouais. Bon. Et alors, Jean-Christophe, du coup, tu travailles sur un projet actuellement de recherche citoyenne autour des sound systems. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu de quoi il s'agit? Ouais. Ça... Bah, citoyen, disons que c'est quand même... Enfin, l'idée est vraiment de pas se positionner effectivement comme sachant, venant apporter la lumière aux citoyens, effectivement. Donc en ce sens-là, c'est citoyen, mais c'est financé par une institution qui n'est pas la plus... enfin, c'est financé par l'Union Européenne, donc c'est un gros projet européen, porté par Julian Henriques, basé à Londres, donc le Goldsmith University London, qui est un lieu un peu épicentre de la culture jamaïcaine en Angleterre. Ouais. Et Julian Henriques lui-même, il est jamaïcain anglais. Et avec cette idée là vraiment d'ouvrir, alors ça rejoint ce dont on a parlé avant, hein, parce que avec cette idée d'étudier la façon dont cette façon d'utiliser les technologies sonores, le projet s'appelle Sonic Street Technology, oui. Par les classes souvent subalternes, et donc dans une optique, c'est souvent les sound systems est souvent lié à une forme d'éducation populaire, à la fois d'entertainment et d'éducation populaire, par des populations plutôt subalternes, reléguées dans les suds, au sud global. Et effectivement, l'idée est vraiment de cartographier ça et d'aider à structurer, de faire reconnaître l'apport de ces pratiques à la culture et à l'industrie musicale mondiale, et de les aider à être structurés, notamment parce que c'est important de garder la mémoire, la transmission et la mémoire, c'est très important pour garder une pérennité des pratiques. Même en Angleterre, on a l'impression que c'est fort, ils ont ce problème-là, parce qu'il n'y a pas des institutions qui sont derrière, d'État, comme des conservatoires, etc. Donc c'est un projet qui a cette optique-là, et... entre guillemets global, parce que bon, on n'est pas non plus des milliers d'intervenants, mais avec cette idée d'avoir une vision sur ce dispositif esthétique-là en Afrique, mais aussi en Amérique latine, parce qu'il y a beaucoup de formes prises, notamment en Colombie, au Mexique ou au Brésil, où ils reprennent la tradition du sound system, sans jouer du reggae en fait, hein, en jouant d'autres musiques, du baile funk. De la cumbia au Mexique et en Colombie, on appelle ça aparalaguem ou sonideros au Mexique. Donc avec cette idée de cartographier la diffusion mondiale entre guillemets du sound system. Ah oui. Et voilà. Donc, et moi je suis effectivement le relais pour la France. sachant que voilà, on est dans une ère à la fois très proche, très différente de la problématique anglo-jamaïcaine. On est très influencé, mais en fait, on a aussi nos propres spécificités. Mais c'est quand même très, c'est beaucoup moins différent que ce que les Mexicains, les Colombiens ou les Brésiliens en ont fait. Ou est-ce que, tu vois, ou d'autres pays, quoi. Là, je sais pas forcément tous les exemples en tête. Mais... Bon, Jean-Christophe, on va aborder la troisième partie de l'émission, où Fred nous a préparé une surprise. Ok. Et ben, merci beaucoup pour ton intervention. J'invite les auditeurs aussi qui sont intéressés par les free parties à consulter ta thèse. Elle est en ligne Je crois. D'accord. Je crois. Ouais, bon, ouais. En tout cas, elle doit pouvoir être consultée. Ou qui te contacte pour y avoir accès, parce que c'est vraiment une thèse passionnante sur les free parties. Et donc, on va s'écouter maintenant un morceau d'OBF. Ah oui. Qui s'appelle Acouphène, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Bon, on va essayer de pas sortir avec un acouphène. Et c'est parti. Merci Jean-Christophe pour ton intervention. Merci à toi. Merci beaucoup. Los goles que han fallado Et c'est reparti dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc on parlait tout à l'heure avec Jean-Christophe Sévin des Free Party et des Sound System. Donc il nous a fait une très belle exposition, nous a expliqué un peu les filiations qu'il peut y avoir entre différents courants musicaux. Maintenant, Fred, tu veux nous parler de la question des rencontres libres, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc voilà, cette question m'est venue à l'esprit avec les sites de rencontres internet. Oui. Donc Mythique, Tinder, etc. Est-ce que c'est quand même, on va dire, une nouveauté. Une nouveauté, ça existe depuis quelques années, hein, mais une nouveauté anthropologique. Oui, c'est clairement, ouais. Et donc, alors la question, est-ce que les rencontres qu'on fait, alors qu'est-ce qu'une rencontre libre? Je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que ça existe ou est-ce que on pourrait l'inventer? Et voilà, donc, alors par quoi je commence? Et j'ai fait des découvertes, une découverte qui pourrait justement aider les gens à faire des rencontres plus libres. Ouais. Disons que, alors voilà, pour parler des sites internet, on s'inscrit et c'est un algorithme qui va te présenter sur ton écran quelques personnes, quoi. Et cet algorithme, d'après ce que j'ai lu, il y a une enquête qui a été faite par plusieurs personnes. Hein, et ces algorithmes sont très sommaires, par exemple, l'algorithme de Mythique, il va te présenter les gens qui sont en ligne au moment où tu te connectes, quoi. Qui sont en ligne en même temps que toi. D'accord. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Des commentaires? Non. Bon. Alors... où est-ce que je voulais en venir? Moi, mon idée, c'était ça va pas être une rencontre libre de rencontrer quelqu'un qui est en ligne en même temps que toi. Ça va être plutôt, moi je vais dire, une rencontre fortuite. Ou même, d'une certaine manière, contrainte, dans le sens où... c'est pas toi qui va décider. C'est l'algorithme qui décide à ta place, quoi. C'est l'algorithme qui décide à ta place. Donc, il faudrait sur ces sites-là pouvoir paramétrer l'algorithme, quoi. Je dis ça. Ah oui, ça rentre complètement dans le. Par exemple, dans la question du logiciel libre ou. Ouais. La programmation. Oui, l'algorithme, c'est le programme qui va décider pour toi qui tu vas rencontrer, qui tu pourrais rencontrer. Parce que... Et donc, tu ne vas pas pouvoir avoir accès à toute la base de données de tous les utilisateurs. Oui, alors, il y a des filtres, oui. Mais ces filtres-là sont sommaires, je trouve. À l'heure actuelle, on pourrait utiliser, alors ce que j'ai découvert, c'est la socionique. La socionique. Qu'est-ce que la socionique? Ça fait pas intervenir les extraterrestres, c'est bon. Alors la socionique, c'est... c'est une façon... ça a été inventé par... ça a été inventé par une psychiatre lituanienne, donc je n'arrive pas à prononcer le nom, et qui a repris les travaux du psychanalyste Jung, etc. C'est donc c'est une espèce de façon de déterminer le caractère, son caractère ou le caractère de l'autre, en utilisant des dichotomies pour décrire son comportement, c'est-à-dire est-ce qu'il est extraverti, intraverti, plutôt extraverti, plutôt intraverti, est-ce qu'elle est rationnelle, irrationnelle, etc. Le nom est effectivement très compliqué, hein. Oshra Augustinavičiūtė. Voilà. En lituanien. Et donc, alors, il y a un pendant. Alors, la Sossionique, c'est un peu un truc qui vient des pays de l'Est. Et il y a un pendant, on va dire, occidental américain qu'on appelle le MBTI. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça se ressemble. C'est-à-dire que ça permet de créer, on va dire, 16, avec les dichotomies dont j'ai parlé, quoi. Mm-hmm. On va dire 16 caractères types. Donc c'est pareil au MBTI, il y a 16 caractères types, ils leur donnent pas les mêmes noms. Alors la Sossionique, c'est rigolo, ils leur donnent des noms littéraires. Vous allez avoir Balzac, Hugo, Napoléon, etc. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la Sossionique, c'est qu'ils vont prédire, on va arriver à prédire la relation entre les caractères. C'est-à-dire sur le mode, est-ce que ça va être plus ou moins confortable en fait. C'est-à-dire donc la relation la plus confortable, ça va être la dualité où en fait les deux caractères vont se compléter, il n'y aura pas d'effort, ça va être tout va baigner quoi. Et jusque donc il y a 16 types de relations possibles, hein, jusqu'au conflit en fait où là ça va être insupportable de rester dans en présence de l'autre parce que voilà, c'est comme ça quoi. Mais est-ce que ça pose pas un peu d'une certaine manière, je trouve, quelque chose de figé avant la relation, alors qu'une relation, ça se construit plutôt dans une dynamique voilà. Je sais pas, hein, pose la question. Alors là, ouais, il faut faire des expériences. Déjà arriver, enfin, c'est une science et un art, quoi. Il faut arriver à comment ils disent, dactylographier le caractère de l'autre. C'est un peu la martingale, ouais, comme si on arrivait à prévoir l'avenir, enfin le hasard. Maintenant, en fait, bon, tu peux faire un test, tu réponds à des questions, est-ce que tu fais ça plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Et au bout d'une vingtaine de questions, tu vas te rendre compte que tu vas être plutôt dans cette case-là, hein, sachant qu'il y a des sous-cases, etc. Et que bon, c'est toujours un peu caricatural. Mais voilà, on pourrait imaginer un site de rencontre où bon, bah, tu voudrais soit avoir une relation confortable, c'est bon, pour certains types de. Pour une relation romantique durable, c'est peut-être intéressant. Ou alors, si tu as envie, d'avoir un autre type de relation, tu vas choisir un autre caractère ou tu as envie de découvrir un autre type de caractère, quoi. Un autre type de relation, voilà. Ça permet d'explorer, de cibler plus la relation, voilà. Quel type de relation tu vas avoir, quoi. Comment ça va se passer. Moi, je trouve que ça serait intéressant à découvrir et à expérimenter. Voilà, vous avez des questions ? Bah moi, ça, sur la question des sites de rencontres, ça m'intéresse aussi la problématique de la gratuité. Et je me dis dans ce que tu dis, je vois à la fois l'arrière-plan qui est est-ce qu'on se rencontre via les sites de rencontres déjà ? Ou est-ce qu'on laisse la part au caractère indéterminé de la personnalité de la personne qu'on va de qui on rencontre, quoi. Ouais. Alors effectivement, il y a des bonnes et des mauvaises surprises, mais c'est toujours un peu la question, est-ce qu'on laisse est-ce qu'on se fie à l'intuition, est-ce qu'on se fie ou au contraire à une méthode plus rationnelle. Dans quelle mesure, tu vois, la technique va pas trop englober la relation, quoi. Enfin, trop, ou se poser en intermédiaire. Je suis intervenu. Oui. Les sites de rencontres maintenant aujourd'hui, enfin moi je suis pas, j'ai un peu testé comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui s'en sert, qui passe par là, hein, ouais. C'est la nouvelle génération. Alors ils l'utilisent un peu comme ils veulent en fait, hein. C'est pour ça que finalement bon, la question est-ce que les algorithmes machin bon, en fait bon, c'est dans la réalité, les utilisateurs, ils s'en fichent, quoi, de l'algorithme. Parce qu'ils n'ont aucun contrôle dessus. Ils n'ont pas d'accès dessus, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas d'accès dessus. Alors, ils vont choisir un site ou à l'autre. Ils vont peut-être en essayer deux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Moi, j'ai essayé. Donc là, ce que tu proposes, en fait, ça serait de se réapproprier. À la fois, on va dire, les bases de données, enfin, bon, en tout cas, qu'il y ait un accès libre aux bases de données, ouais. Même si, évidemment, il faut garder les problèmes de confidentialité, et qu'ensuite, chacun puisse, d'une certaine manière, construire ses algorithmes, un peu, enfin, et avec, tu prends l'exemple des 16 personnalités. Voilà, c'est ça. Le socionique, ouais. Voilà, qui serait un... Bah, faudrait faire... peut-être que ce que je vais faire, c'est créer un site de rencontre socionique. Peut-être que ça existe déjà en Russie ou ailleurs, mais... En Lituanie. En Lituanie. Bah, c'est voilà, une bonne idée. Ouais, à suivre. Mais en tout cas, ça interroge aussi sur la... la question plus générale de la marchandisation de la rencontre, quoi. Qui aujourd'hui effectivement, bon, ben la rencontre est marchandisée, ouais, et c'est l'intermédiation parce que, technique aussi, bon, les deux, quoi. Oui. Bon. Bon, ben du coup, on va se quitter maintenant sur ces questions de marchandisation, et on va se mettre un petit morceau encore. Voilà, et on termine l'émission là-dessus. Bah, merci à vous, Fred et Fatima. Pour... La Free Party. Merci. Et vive la Free Party, vive les Sound System, vive les rencontres libres. Hein, voilà. Ah, et on se quitte cool. Là-dessus. Donc sortez sans payer. C'est bon, vous pouvez continuer à écouter Radio Balade. Vous pouvez écouter Radio Balade toute la journée. C'est parti et. À très bientôt pour la prochaine émission. Au revoir.